Donc très heureux d'être là, très heureux de retrouver, comme tous les ans, ces belles rencontres philosophiques d'Uriage, qui vraiment, vraiment, merci Anne et merci à toute l'équipe, vous nous gâtez, et vous nous avez particulièrement gâtés cette année, jusqu'au bout, donc jusqu'à cette belle table ronde où j'ai hâte d'entendre nos invités sur l'art de vivre le temps. L'art de vivre. On en a déjà parlé ce matin autour de François Julien et de sa belle conférence. C'est vrai que le temps vécu est très divers, qualitativement très divers. Il y a le temps si long de l'attente dans les salles d'attente. Il y a la légèreté du jeu, la légèreté de l'oubli, la légèreté du temps qui passe. Il y a le temps de l'attention, comme on en parlait aussi ce matin, celui de la conversation, celui du travail, celui de l'activité passionnante. Et ce même temps, il est pourtant rythmé par des objets qui nous rappellent nos rendez-vous, prochain train dans 2 minutes, comme on entend sur le quai du métro, sonnerie du réveil, alerte de l'agenda. Et donc nous sommes préoccupés par la série des tâches, par des obligations, par des planifications. On peut se demander si nous sommes vraiment maîtres des horloges, si nous arrivons vraiment à conduire notre vie dans le temps qui est le nôtre. Quel art de vivre est-il possible quand le temps passe, quand la crainte est de perdre son temps, quand cette crainte nous occupe tant et tant de temps. Tout le malheur des hommes vient de ne pas savoir demeurer en repos dans une chambre. Vous avez reconnu Pascal. Mais ce repos, justement, dont nous avons vécu récemment l'expérience confinée, serait-il vraiment une voie de bonheur? Peut-être pas. Alors, quels autres arts de vivre le temps? C'est ce que nous allons penser avec nos 3 invités que je vais présenter dans leur ordre d'apparition. Donc, Madame Hélène Leuillet, qui se trouve à côté de moi, qui est maître de conférence habilité à diriger des recherches à Sorbonne Université, qu'on appelait autrefois Paris 4, voilà, qui est spécialisée en philosophie politique et en éthique, qui est également psychanalyste, et qui dans son avant-dernier ouvrage, car Madame Leuillet écrit régulièrement de très beaux ouvrages, a fait un éloge du retard. Donc je vous en conseille vraiment vivement la lecture, c'est un livre passionnant, subtil, riche, stimulant, et la subtilité c'est une grande, grande qualité philosophique. Elle sera suivie par François Véruine, qui est de l'autre côté, qui est chorégraphe, directeur artistique de la compagnie, on dit 47.49 ou 47.49 ? 47.49. 47-49. Donc beaucoup d'interventions de sa compagnie à Grenoble et autour de Grenoble, à l'hôpital, notamment en soins palliatifs, en EHPAD, en prison, à l'école, à l'université, auprès de personnes en situation de précarité, auprès de personnes en situation de handicap, mais également évidemment dans des structures culturelles, dans les institutions culturelles, et notamment bientôt en janvier, un spectacle qui s'appelle « Résonance », le 12 et 13 janvier, au Théâtre municipal de Grenoble, en collaboration avec l'Hexagone, je crois. Voilà, et c'est évidemment le temps de la danse, l'occupation du temps, l'occupation de l'espace par la danse, dont il nous parlera, notamment de comment la danse travaille la relation du sujet aux autres dans le présent de l'action et dans le présent d'une action collective, dans les compagnies de danse, notamment. Et puis, pour terminer, notre collègue Jérôme Lèbre, professeur de philosophie en classe préparatoire, qui a été directeur de programme au Collège international de philosophie, qui est une magnifique institution d'une grande liberté de travail, dont les travaux portent sur la philosophie contemporaine, et en particulier sur les mobilités, sur l'espace. Et l'un de ses derniers ouvrages récents est aussi un éloge. Donc, il n'y a que des éloges, éloge de la danse, éloge du retard, éloge de l'immobilité, par Jérôme Lèbre, à distinguer de l'immobilisation contrainte, celle qu'on vit dans les transports en commun, celle qu'on vit devant l'ordinateur, celle qu'on a vécue aussi en partie pendant le confinement, en particulier le premier. Donc vraiment, je vais vraiment hâte d'entendre sa position, parce que je n'ai pas encore lu le livre, mais c'est très original et assez pascalien de valoriser ainsi l'immobilité. On peut être à bon droit très curieux de cette proposition philosophique. Je ne parle pas plus longtemps, parce que j'ai épuisé tout ce que j'avais d'intelligent à dire, et donc je donne en premier la parole à Hélène Leuillet, après avoir moi aussi donné un petit coup de lingette, comme l'a fait tout à l'heure mon collègue Thomas Bocon-Gibaud. J'en profite pour vous dire, car je dirige le département de philosophie de l'UGA, que nous accueillons évidemment en auditeur libre des étudiants dans le département de philosophie de l'UGA tous les ans. Et c'est très agréable pour les adultes d'être avec les étudiants plus jeunes, et c'est très important pour les étudiants plus jeunes que des adultes soient aussi dans la salle avec eux. Merci Philippe Saltel pour cette présentation. Merci bien sûr aussi à Anne Essidieu Wasserman pour son invitation à participer à ces rencontres, et bien sûr aussi au jury de me permettre de revenir chez moi avec la petite chouette qui va m'accompagner dans mes travaux futurs. Donc j'ai été sensible à cette invitation à réfléchir sur le temps à partir de la question « Sommes-nous prisonniers du temps ?» qui est la question mise à l'honneur de ces journées, car cette prison du temps, qui est bien sûr une métaphore, mais nous vivons dans la métaphore, cette prison du temps, je crois que nous l'expérimentons tous à partir de la façon dont le temps est un argument de pression, hein, aujourd'hui considérable, la pression temporelle qui nous enferme dans des échéances toujours plus difficiles à tenir, dans la hantise du retard, dans les contraintes de l'urgence. Et donc, la dernière table ronde de ces journées sur l'art de vivre le temps nous invite à chercher quelques solutions, sinon pour s'évader de prison, car ma foi, devant les mails urgents en lettres capitales, expliquer, comme on peut l'avoir compris ces jours-ci, que le temps n'existe pas, il n'y a pas de réalité, après tout, est-ce qu'il passe vraiment ? Bon, ça risque quand même de mettre ceux qui travaillent dans une position un peu difficile. Donc, on peut essayer de s'émanciper un peu des chaînes, mais autrement, de ce régime temporel très particulier. Et ça devrait être possible parce que le temps, d'une autre manière, est émancipateur aussi. Il nous émancipe d'un présent dans lequel il est impossible de vivre, sauf quand des contraintes nous y enferment de force, des contraintes extérieures ou des contraintes psychiques. Le temps nous émancipe d'un présent qui est un maintenant fragile, ça a été souvent dit dans les deux jours, adossé à un passé qui lui procure son sens et sa tonalité, sa couleur, et ouvert sur l'avenir vers lequel nous nous efforçons avec plus ou moins d'élan selon la manière dont le passé lui-même a agi sur le présent. Les possibles contenus virtuellement dans le présent ne s'ouvrent à notre imagination que si nous pouvons nous extraire de cette pression temporelle qui nous enferme, de la course qui nous enferme dans des plannings et nous interdit d'imaginer autre chose que ce que nous vivons. Anne Dufourmentel, dans l'éloge du risque, écrivait « Risquer l'avenir », ce serait peut-être se demander comment s'attarder encore un peu, prendre, oui, du retard. Pour s'extraire de la course folle qui nous emprisonne dans un court terme, souvent réduit à l'instantanéité, il faudrait donc prendre du retard, s'attarder, s'installer dans la temporalité. Donc le temps libère du temps si on le voit à travers le retard, le risque du retard. Le retard donne sur la temporalité une perspective neuve, car notamment, il ouvre les possibles de l'avenir. Si on nomme imaginaire du temps, effectivement, l'écoulement temporel, la métaphore du fleuve, dont il a été à plusieurs reprises question, si on nomme dimension symbolique du temps, le comptage du temps, le fait que oui, il faut des horaires de rendez-vous et des instruments pour compter le temps, bien, le retard nous ouvre à nouveau ce qui est dans une certaine mesure le réel du temps, hein, ce qui est une sorte de perte, de trou. Alors bien sûr, bon, réel du temps, c'est la mort, hein, à partir de quoi nous pouvons compter autrement qu'avec les horloges. Mais le retard, c'est ce ratage, ce trou qui fait que nous pouvons envisager la temporalité sous la modalité de ce que je peux appeler le temps subjectif, hein, alors qui est le temps vécu, mais ce qui est surtout le temps vécu à la première personne, hein, qui ne désigne pas une temporalité d'un genre spécial, une autre temporalité, mais simplement la relation subjective au temps. Et cette relation subjective au temps, eh bien, elle n'est pas si facile, en vérité, à apercevoir. Nous pouvons perdre, en quelque sorte, cette relation subjective au temps, la retrouve, mais pas toujours forcément facilement. Donc le retard, qu'il soit voulu, quand on s'attarde à bavarder et qu'on manque le métro, à contempler, hein, dans l'art, hein, le retard qui peut être aussi parfois subi quand nous dépendons d'un moyen de transport qui, lui, s'est attardé volontairement ou involontairement, eh bien, ça ouvre la possibilité, pour autant que nous sachions la saisir, de retrouvailles avec cette modalité du temps qui est la relation subjective au temps. Mais bien sûr, la condition est de savoir vivre ce retard, de l'élaborer, bref, ce qu'on appelle un art. Je vais donc essayer de montrer rapidement que c'est la perte de la relation subjective au temps qui nous donne ce sentiment d'être en prison, dans le temps. Car privé de sa dimension subjective, le temps se transforme pour nous en prison. Et Olivier Razac nous a bien montré ce matin le rapport qu'il peut y avoir entre le spatial et le temporel dans la prison, hein, donnant deux formes de punition, mais au fond, hein, qui se répondent. Donc, j'ai essayé de voir comment nous avons perdu ce temps dans cette course folle qui remplit tous les interstices de la temporalité, et pourquoi, donc, dans un deuxième temps, le retard et l'art de s'attarder peuvent apparaître comme de véritables stratégies de résistance et de retrouvailles avec le temps subjectif. Pour tenter de dire brièvement, et finalement la transition tombe assez bien, je n'y ai pas prévu, quelques mots de la culture comme art de vivre le temps. Donc, tout d'abord, la perte. En quoi y a-t-il perte aujourd'hui de la relation subjective au temps ? Pour autant que nous puissions le savoir, je crois qu'aucune société humaine, pour des raisons que je ne vais pas avoir le temps de développer, aucune société humaine n'a exercé autant de pression temporelle sur les sujets humains, alors même que toutes les sociétés ont imposé des rites et des échéances à leurs membres. Enfin, jamais eu de rapport océanique au temps, d'indétermination temporelle dans les sociétés. Il y a toujours eu des grands rites qui marquaient le temps, mais une pression temporelle telle que cette course folle, course épuisante et incessante que nous connaissons, est très certainement une nouveauté. Elle crée des dégâts, précisément parce qu'elle engendre justement une hantise du retard qui nous interdit, comme je disais en introduction, d'imaginer l'avenir ou d'imaginer pour l'avenir autre chose que ce qui est planifié et que nous avons déjà bien du mal à accomplir. Bien content quand nous y arrivons. Donc nous ne vivons pas le temps, la plupart du temps, mais nous l'utilisons comme une ressource, comme un bien à rentabiliser, comme s'il était à notre disposition, comme s'il était une chose. Notre objectif est donc bien moins souvent de vivre que d'effectuer dans un temps imparti par nous ou par d'autres, ce qui nous échoit. Nous souhaitons donc nécessairement prendre de l'avance, être en avance sur le temps, nous organiser, comme on dit, pour anticiper. Cette prévision de l'avenir est certes stressante. C'est la pression dont je parlais, mais en même temps confortable. Nous l'aimons, puisque nous avons bien du mal à nous passer de l'emploi de notre temps, de son occupation, aussi pleine que possible. La plénitude, nous voyons aujourd'hui comme la plénitude du temps dont nous disposons. Quand l'avenir n'est pas planifié, même celui des vacances, l'ennui nous menace. Or, l'ennui est une sorte de haine, et de haine du temps, puisque, comme nous le disons avec sagesse dans la langue, quand nous nous ennuyons, nous voulons tuer le temps. Nous cherchons à tuer le temps. Il faut prendre ceci vraiment de manière littérale. Donc, dans cette course folle, le retard n'est vécu que comme un ratage, toujours plus ou moins culpabilisant. Dans la hantise du retard, c'est cela, la peur de rater, qui cause le tourment. Le retard est dépendant d'un temps compté, donc des instruments de comptage du temps, et sur ce point, eh bien, nous sommes bien embarrassés parce que nous ne pouvons plus alléguer depuis longtemps, en cas de retard, une montre qui retarde à notre insu. Ça, maintenant, c'est très ancien. Tant qu'on n'était pas censé rester tout le jour, et parfois une partie de la nuit, devant son écran d'ordinateur, il était encore admissible de n'avoir pas prêté attention à l'heure. Mais les confinements nous ont conduits à abandonner cela aussi, cette espèce de retrait, je n'ai pas fait attention. Car que ce soit dans le vide de l'ennui, pour ceux dont les métiers ne pouvaient pas s'exercer en télétravail pendant le confinement du printemps 2020, ou bien que ce soit dans la course aggravée par les nouvelles conditions informatiques du télétravail, eh bien, on connaît tout le temps l'heure. On est censé connaître tout le temps l'heure. 3 minutes de retard à une visioconférence en Zoom, en ressenti de retard, ça équivaut à peu près à 30 minutes en présentiel. Tel est le paradoxe de la hantise du retard, cette prison temporelle. On a perdu le rapport au temps tout en ne pouvant plus oublier le temps. On a perdu la relation subjective au temps, précisément parce qu'on est envahi par le temps, comme si on essayait d'attraper un temps qui se refuse à nous, soit que chaque scansion nous semble immensément lointaine, comme quand on s'ennuie, soit au contraire qu'on n'ait même plus le temps de sentir le temps. L'insomnie, je disais que ça nous rattrape toujours, l'insomnie est tout à fait à la conjonction des deux phénomènes. L'insomnie est le symptôme majeur de ceux qui ont perdu le rapport au temps. Le temps qu'on n'a pas senti passer dans la journée s'impose à nous la nuit, comme retard de sommeil, étirement de la nuit et des heures qui ne veulent plus passer et qui s'éternisent. Avoir perdu le temps, avoir perdu la relation subjective au temps, c'est donc ça, la perte. Car le temps, par rapport à la vie, est perte par définition. C'est ça le réel du temps, c'est la perte. On peut, après tout, définir la vie comme une perte de temps, inexorablement, chaque minute après minute. Encore faut-il, pour vraiment vivre cette perte, ne pas la laisser passer seulement, que cette perte soit donc un art, soit récupérée dans un art. Et l'art du retard peut être un art de vivre le temps. Construire le retard en art, c'est cela que je vous propose. Car par une sorte de retournement, dont le temps a le secret, c'est donc la perte accidentelle, historique, du temps qui nous permet de renouer, pour autant que nous puissions le saisir, avec un rapport subjectif au temps. C'est précisément parce que le retard est dépossession, qu'il n'est pas volontaire quand c'est un vrai retard, même quand on s'attarde de son propre mouvement, qu'il peut nous permettre de rompre avec cette prétention imaginaire qui est la nôtre de disposer de la temporalité comme d'une ressource. Et ceci pour parvenir à vivre le temps, même structuré, à la première personne. La relation subjective au temps n'a pas forcément besoin qu'on prenne du temps, parce que ce serait toujours la même métaphore, hein, parce que on peut prendre du temps sans sortir d'une logique de remplissage temporel. C'est plutôt une attention à soi de l'ordre de la sensation, parce que le temps est, est sensation de soi, est sentiment de soi. Quand on se concentre, c'est quelque chose comme du temps, hein, que l'on ressent de manière plus ou moins angoissée, pas dit que c'était paisible. Le temps subjectif n'est donc pas de l'ordre de la positivité, plutôt de l'acceptation d'une forme de négativité. Mais c'est aussi par la négation que l'on peut symboliser quelque chose, élaborer quelque chose, comme un art du retard, puisque bien au contraire, la vogue actuelle pour le positif participe de la recherche constante et en tout lieu d'une plus-value qui est précisément ce qui nous amène à perdre la relation subjective au temps. Donc, le temps subjectif, celui qu'on peut essayer de retrouver, est en même temps le temps d'une perte qu'on accepte de vivre, y compris si on doit, pour cela, traverser un peu d'angoisse. S'il est vrai que quant au temps, on travaille toujours à perte, mais d'une perte ressentie, eh bien cette traversée de l'inquiétude, de l'angoisse, de la perte du temps, nous permet aussi de nous retrouver nous-mêmes. Voilà en quoi elle peut être une stratégie de résistance à la perte du temps subjectif. Car le retard est précisément la défaillance de l'emploi du temps employé. L'art du retard consiste à donner sens et forme à ce qui nous arrive accidentellement, donc soit de notre fait, soit du fait du retard d'autrui ou d'autre chose. Élaborer le retard pour voir en lui une chance ne consiste en effet pas à pratiquer le retard. C'est un art un peu paradoxal que je vous propose, parce qu'en principe, un art, on doit pouvoir le pratiquer. Là, il s'agit simplement d'accueillir les inévitables défaillances qui se produisent. Car bien sûr, s'il y avait une fabrique possible du retard, eh bien, on verserait là dans des rapports de pouvoir, dans le retard méchant de celui qui veut montrer qu'il a le pouvoir de faire attendre l'autre. Et ça ne relève pas de l'art du retard, mais de l'art de la domination. Et ce retard n'est pas un vrai retard. Ce n'est pas un retard, c'est une manœuvre. Donc ça n'entre pas dans ce que j'essaye de dire, même si ce que j'essaye de dire, c'est un paradoxe, mais le temps nous habitue à ça, puisque c'est d'accueillir cette surprise du retard, mais qui n'est pas rare, comme on sait. L'art du retard, c'est savoir accueillir ce retard non contrôlé qui se produit souvent, étant donné que nos emplois du temps sont très remplis, et que c'est une construction subjective de ce qui ne dépend pas, du moins pas entièrement de nous, cet art du retard. Le temps subjectif, alors il faut le dire, n'est donc pas celui du temps du caprice narcissique. Et l'art du retard n'est pour cette raison pas incompatible avec le temps des choses. Le travail, quel qu'il soit, même le plus mécanique, peut nous installer dans le temps subjectif. On sait l'importance du travail pour le sujet qui travaille. Le travail bien fait suppose une attention au temps que la chose réclame pour être transformée. Le travailleur, donc, capable de donner à la chose, le temps dont celle-ci a besoin, ne peut pas complètement obéir à l'injonction d'aller plus vite, toujours plus vite. Bien travailler aujourd'hui, c'est prendre le risque du retard. L'art du retard est nécessaire à ceux qui veulent bien travailler, parce que l'alternative est bien souvent aujourd'hui travail bien fait au risque du retard ou travail trop rapidement fait, mais à l'heure. Et le burn-out se déclenche bien souvent quand on est gagné par le sentiment de mal travailler. Et le retard s'impose à nous quand nous ne pouvons pas sacrifier ce sentiment de faire quand même à peu près bien ce qu'on a à faire. Ainsi, renouer avec le temps subjectif, c'est nécessairement donc prendre ce temps qui peut apparaître comme un temps vide, mais qui n'est pas le vide de l'ennui, mais celui de l'intervalle libre. Le retard, même s'il nous met dans l'inconfort, procure aussi un étrange sentiment de liberté, pour cette raison qu'il nous permet des retrouvailles avec le temps subjectif. C'est précisément parce qu'il n'est pas voulu qu'il est soit un cadeau de notre inconscient, quand on ne se réveille pas, par exemple, ou un cadeau de la réalité. Donc différer, prendre 5 minutes de retard, c'est se libérer de l'injonction de l'urgence. Et c'est en ce sens qu'il est une résistance au pouvoir, pouvoir de celui qui veut nous faire agir mais ne supporte pas d'attendre, pouvoir de celui qui veut vous faire travailler plus et plus vite en considérant la temporalité comme une ressource. Les décalages temporels, même infimes, ne sont pas récupérables, mais ils sont essentiels à l'art de vivre le temps. Et l'art de vivre le temps, à travers le retard, nous confronte à ce que l'on cherche bien souvent à éviter et qui nous rend complices volontaires de la pression temporelle et qui est quand même le sentiment de la perte. Ça s'appelle, plus encore précisément que l'angoisse, une forme de mélancolie. Et donc, dans le troisième temps de cet exposé rapide, je vais terminer plus brièvement sur la culture en tant que nous permettant d'habiter ce qui, de la mélancolie, est quand même congruent avec le sort, la condition du sujet humain. La culture, c'est d'abord ce à quoi on s'attarde. Il y a les retards de notre inconscient, les actes manqués qui font qu'on est en retard sans avoir compris pourquoi on est en retard. Il y a les retards qui ne dépendent pas de nous. Et puis, il y a les moments où on s'attarde. Et là encore, on accueille le retard comme une surprise. Tel tableau fait qu'on s'attarde. Et la culture, précisément, comporte une dimension mélancolique, car elle nous demande de consentir à la réduction du réel, à son état de trace dans la mémoire et la pensée humaine. L'entrée de la culture dans la culture se fait par l'effacement des choses et leur reprise subjective dans le langage ou les autres dimensions de la culture. La mélancolie particulièrement se chante, comme on sait. Je ne sais pas si elle se danse, mais elle est surtout associée à la musique, car la musique est art du temps. La musique suppose un comptage très rigoureux de la temporalité, plus inventif et strict que ce que la vie nous donne à connaître. Un comptage fait de durée, de mesure et de rythme. Mais les césures dans la continuité temporelle y sont toujours inédites et inconnues, et c'est ainsi qu'elle nous fait entrer dans l'élément de la subjectivité, dont l'élément fondamental, comme je le disais, est le temps. Le morceau de musique rappelle Hegel dans les leçons de philosophie de l'art, dans les leçons d'esthétique. Le morceau de musique n'a pas d'existence spatiale, mais ce n'est qu'un tremblement vibratoire. La musique plane dans l'air et elle fait résonner le moi. Alors, le moi, c'est le ich, c'est aussi le sujet. Pas en allemand de différence. Donc, de tous les arts, c'est celle qui s'adresse à l'intériorité parce que son contenu, c'est le temps subjectif et la relation subjective au temps. La culture, c'est aussi la lecture, bien sûr. Lire nous installe dans le temps. S'il est vrai qu'on ne comprend jamais une phrase qu'après l'avoir entendue jusqu'au bout, ben de même, le livre ne se donne à nous que dans la temporalité, puisqu'il faut quand même être allé jusqu'au bout, même pour les livres de philosophie, pour pouvoir les comprendre. Et aujourd'hui, si certaines personnes ne lisent plus, ben, c'est de leur propre aveu, parce qu'elles n'ont pas le temps, parce que la lecture demande du temps. Lire, c'est toujours prendre le risque du retard, et puis il faut toujours avoir un livre sur soi en cas de retard. Ben, c'est absolument, l'art du retard, ça commence par ça. Et les longs romans, par exemple, sont des expériences de vie et participent de l'art de vivre le temps. Donc, je vais conclure en disant que, bien sûr, le retard est une expérience psychique ambivalente, souvent torturante, mais qui nous oblige à symboliser le temps subjectif, hein, qui nous oblige à resubjectiver le temps, car c'est une expérience de la perte et un rappel de ce que le réel du temps, c'est la perte. C'est en cela que le retard peut être un art, et un art de vivre le temps. Le retard évoque ce que la condition humaine comporte de fondamentalement mélancolique en tant qu'elle est soumise à la loi de la perte du temps. Au lieu de nous défendre contre cette condition, on peut donc lui donner la forme d'une expérience possible, puisque on a toujours la conscience du temps, et tout art de vivre le temps est un art du retard, celui-ci, petit ou grand, dans l'expérience psychique auquel il nous contraint, peut donc nous ouvrir sur ces possibilités de vivre le temps que la culture nous offre et qui nous extrait en partie de cette prison du temps qui est la nôtre. Merci. Merci beaucoup, Hélène Leuillet, pour cette belle analyse du retard, de cette expérience de dessaisissement et aussi de saisissement qui nous invite non seulement à passer une belle nuit d'insomnie entre dimanche et lundi et à nous réveiller avec retard demain matin, un lundi matin, mais aussi à lire, à écouter de la musique, à aller voir des spectacles de danse, à prendre le temps, le temps de cette relation subjective au temps, c'est-à-dire à se laisser emporter d'une certaine façon par le temps et par cette expérience. Eh bien, c'est un peu ce que vous nous proposez hein, dans vos... Je fais une belle transition là. Un peu ce que vous nous proposez dans vos spectacles, François. Donc je vous laisse immédiatement la parole et l'image, je crois. Merci Philippe. Merci aussi aux Rencontres d'Auriage de m'avoir permis de venir partager un bout d'après-midi à vos côtés. C'est toujours... Donc moi, je vais vous parler en tant que chorégraphe, absolument pas en tant que philosophe. Donc les éléments de langage que je vais utiliser par moment pourront être un peu triviales, mais je vous remercie de m'accueillir, ma façon de m'exprimer. Voilà. Alors, d'abord, je vais situer rapidement de là où je vais amener ce que je vais vous faire partager. Et après, comme ça, vous regarderez les quelques images avec un peu cette coloration de regard. Donc, si vous voulez, ce qui me fait lever le matin, ma préoccupation depuis bientôt 40 ans, c'est la question de l'être, la personne en tant que sujet d'elle-même. Donc on peut dire, je pense, dans votre langage, ça va toucher les questions du libre-arbitre, la question de la responsabilité, étymologiquement entendue comme la capacité à répondre à, et on va voir à quoi tout à l'heure, et avec, pour conséquence également, la question de l'intégrité, c'est-à-dire comment j'arrive à articuler, je pense, je dis, je fais, dans tous les sens. Parce que dans les enjeux chorégraphiques que je vais déplier là et que je vais vous montrer comme ça rapidement en vidéo, la question des enjeux temporels est fondamentale. C'est un peu en filigrane ce qui accompagne la démarche, c'est-à-dire accueillir et ne pas subir. C'est-à-dire que nous, notre meilleur allié, c'est le champ gravitaire. la pomme qui tombe, Newton. Monsieur Klein en a parlé tout à l'heure. Et donc, ces questions que je viens d'évoquer, la question du libre-arbitre, de la responsabilité, le fait d'assumer les choix que l'on fait, vont être déclinées dans le champ gravitaire. C'est-à-dire, voici les images. Merci. Alors, peut-être comme vous avez pu remarquer, les danseurs se déploient de manière assez lente, enfin en tout cas dans ce qu'on a vu comme extrait, c'est pas toujours le cas. Et cette question n'est qu'une conséquence. C'est-à-dire que cette quête depuis plus de 30 ans, c'est comment faire pour s'occuper de révéler chacun de nous, en l'occurrence, moi je vis par procuration, parce que dans ces pièces-là, je ne danse pas, dans celles que vous avez vues, donc en vivant en procuration, comment finalement faire que cette utopie d'accéder à l'intensité du présent de l'action soit un peu, vous savez, comme si vous preniez une orange et puis que vous la pressez. L'idée, c'est qu'il y ait le maximum de pulpe qui soit pressée dans le verre pour profiter du jus d'orange, quoi. Et donc, toute ma préoccupation est à cet endroit-là, c'est-à-dire comment honorer à chaque instant, Hélène parlait d'émanciper à chaque instant cet événement qui va passer à tout jamais, qui est ce qu'on est en train de vivre là, tout de suite, dans cet endroit précis. C'est de le faire pour chacun des protagonistes au plateau, et c'est de le faire ensemble. Donc, arriver à résoudre, à faire le « et » entre « je », la personne, le « nous », le « entre nous », c'est-à-dire la relation, et inscrit dans le grand tout. Donc là, on s'immerge tout de suite dans chez deux penseurs qui m'importent énormément, qui sont Edgar Morin par rapport à la complexité et Arnaud Rosa par rapport au concept de résonance. Comment faire le « et », comment résoudre entre mon autonomie et la coopération? Parce que pour faire ce qu'ils font, quand ils font ça collectivement, les hommes portent les femmes portent les hommes, de manière assez complexe, pour faire ce « et pas le « ou », pour que finalement, je puisse appréhender l'essence de ce qui m'importe au plus haut point, c'est-à-dire qu'on peut parler de ne pas faire la guerre, on peut parler de ne pas se mettre sur la gueule, mais en fait, comment on le fait en vrai, quoi. Alors, évidemment, je crée un paradigme, un espèce de bac à sable, donc, avec une règle du jeu, un temps donné, un espace donné, donc, pour arriver à appréhender cette chose-là et de me défaire de ce que tu as bien posé là, tout de suite, c'est la question de l'injonction du temps. Et plutôt que cette injonction temporelle qui nous gouverne, c'est de renverser la vapeur en disant « je vais m'en occuper comme principal objet de recherche et je vais y passer mes journées et nous allions y passer nos journées. » Et ça, l'idée c'est qu'il y a derrière tout ça, c'est d'essayer finalement que chacun des protagonistes soit à la fois lui-même dans ce qu'il est de singulier et à la fois qu'il soit traversé par quelque chose de plus grand que lui. C'est-à-dire en quelque sorte... qui soit canal de quelque chose du grand tout. Et sans en faire un fromage mystique, c'est juste qu'à un moment donné, le travail que je conduis, qui soit sonore, qui soit scénographique, qui soit au prisme du langage chorégraphique, concourt à finalement révéler l'être dans ce qu'il est, dans le jeu et dans tout ce que j'ai raconté avant, c'est-à-dire faire qu'ensemble on va le faire, quoi. Et en fait, c'est ça que je fais, que je vais essayer de vous faire partager, c'est-à-dire que c'est possible. Et voilà, quoi, déjà, pour poser un début. Et donc, la résonance. Pour ceux qui ne connaissent pas le sociologue-philosophe Hartmut Rosa, pour faire vite fait, c'est, si je peux me permettre... devant des philosophes, faire vite fait, quelque chose vient à ma rencontre, me touche et me transforme. Donc il va être question de l'altérité, c'est-à-dire que finalement on va trouver un tiers espace-temps qui est une forme de noble consensus qui va permettre que nous allons pouvoir résoudre le jeu et le nous, parce qu'ensemble on va trouver un endroit créatif où on ne va pas subir cette injonction temporelle. Et donc, je vous ai dit que notre meilleur pote, c'est la gravité. je veux dire le champ gravitaire. Notre meilleur pote, c'est le sol, la Terre, sur laquelle on va prendre un ancrage. Parce que, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans ce qui se passe là, ça se situe dans un ancrage extrêmement fort pour créer une suspension. Donc tout ce travail s'écrit entre ciel et Terre, et dans un transfert de poids, millimètre cube par millimètre cube de chair. Et c'est ça qui va permettre ce voyage du poids, hein, du poids du corps de chacun, qui va voyager dans l'espace-temps, de manière à que le danseur, et donc vous, parce que ce qui va m'importer, c'est comment je vais essayer modestement de créer l'empathie, c'est-à-dire comment vous, vous allez vous mettre à danser par procuration avec les danseurs. Donc il va y avoir cette forme kinesthésique, d'approche kinesthésique, sensible, c'est-à-dire le fait que, ok, il y a votre intellect, mais il n'y a pas que l'intellect qui va jouer, c'est-à-dire comment vous allez être pris, finalement, parce que nous allons faire humanité, et parce que nous essayons de vous donner l'accès à ce qui se passe d'instant en instant. Voilà, si vous avez des questions, je vous réponds. Merci beaucoup, merci pour ces images magnifiques. Vous avez eu raison de rester avec nous. Mais, et vous voyez tous le lien entre ces deux interventions-là. Ce qu'exige de nous une véritable attention au temps qui se dérobe de l'injonction du temps. Et je vais immédiatement donner la parole à Jérôme pour nous parler cette fois-ci de l'immobilité. Merci beaucoup. Je voudrais moi aussi remercier très chaleureusement les organisateurs et organisatrices de cette rencontre. Et comme j'ai le privilège d'être le dernier à parler, je suis aussi celui qui peut dire que c'est vraiment réussi d'un bout à l'autre. Donc vraiment bravo aussi. Alors d'un bout à l'autre, presque, hein, parce qu'il reste justement mon passage. Donc c'est pas très rassurant, mais au moins c'est presque réussi d'un bout à l'autre, déjà. Alors, c'était vraiment une très belle intervention, une très belle vidéo aussi qui me précède. Elle m'a fait penser à un professeur de tango qui nous disait à Paris, un professeur de tango argentin, qui nous disait « Bon, il va falloir que vous vous calmiez, là, les Parisiens. » Mais je pense qu'il aurait pu parler des Grenoblois aussi. Parce que quand je vous vois danser, en fait, en balle, vous enchaînez les figures et en 3 minutes, on dirait que le but, c'est d'en faire le plus possible. Et vous pensez jamais qu'en fait, la danse, c'est aussi des moments de pause. Et que c'est dans ces moments de pause où on écoute la musique, on sent le temps s'écouler et en plus, on se rend compte vraiment qu'on est deux, puisque bon, c'est le principe du tango. On danse avec quelqu'un que ça se trouve, on ne connaissait pas 3 minutes avant, mais on est avec cette personne. Le temps d'une tanda et si on profite pas de ce fait qu'on est deux, la danse perd tout son sens, hein, et ici aussi il y a des moments de pause et ces moments de pause ont vraiment un rôle extrêmement important, ben, dans la danse et puis aussi peut-être dans le rôle de l'existence et en fait c'est sur ça, moi, que j'ai voulu insister dans une période de ma réflexion ou de mon travail. Ça s'appelle l'éloge de l'immobilité, mais immobilité, c'est un concept négatif et c'est pas du tout le concept central, en fait, de ce livre, le titre m'ayant été un petit peu imposé par l'éditeur, n'est-ce pas? Parce que moi, j'aurais aimé que ça s'appelle Station. Il paraît que c'était pas très vendeur, Station. Mais pour moi, en un seul mot, ça résume tout, parce que une station, c'est un moment où on s'arrête, qui concerne le corps également. C'est une étape mystique. On parle des stations du chemin de croix, mais si on traduit aussi... en fait, on pourrait très bien traduire comme ça ce qu'on appelle halte mystique dans l'islam. Et puis, c'est aussi bien une station de métro, hein, ou même une gare, puisqu'en anglais, c'est station. Donc voilà, ça regroupait tout ce champ en fait des moments où ça s'arrête, parce que c'est ça qui m'intéressait. C'est pas tellement de faire simplement un éloge de un peu paradoxal. Bon, c'est provocant. Bon, c'est l'avantage. Hein. Le titre est provocant. Il est un peu énigmatique peut-être, mais le but c'était surtout de mettre en regard ces différents moments où tout s'arrête. Alors pour préciser un petit peu les choses, sans être long, je voudrais parler de deux événements qui en fait ont succédé à l'écriture du livre. L'un, c'est ce qu'on appelle le mouvement des Gilets jaunes. Alors déjà, mouvement, c'est un petit peu paradoxal, puisque la principale inventivité du mouvement des Gilets jaunes a consisté à stationner justement sur des ronds-points pendant toute la semaine. C'est-à-dire que, bon, vous savez, hein, globalement, et même si c'est trop rapide de dire ça, globalement, ce qui était en jeu, c'était le rythme quotidien de ces populations périurbaines, hein, qui passent beaucoup de temps dans les transports, qui passent de l'argent aussi dans des transports domicile-travail et travail-domicile, donc qui tournent autour de ces ronds-points. Et là, l'idée, justement, c'était d'y rester. Et d'y rester pour s'inscrire dans un autre temps, qui était aussi un temps de débat et de discussion démocratique, et qui était aussi un temps de résistance, parce qu'on n'est pas censé occuper des ronds-points, et d'ailleurs personne n'y avait pensé, et il fallait y penser. Donc l'inventivité de ce mouvement était là, alors qu'il était sans doute moins... voilà, ce qui était moins inventif, c'était les manifestations du week-end. Hein. Peut-être qu'il les fallait aussi comme sorte de complément stratégique, mais c'est sûr qu'elles étaient moins inventives, elles nous ont rappelé des choses... bien plus connue, hein, et récurrente. Bon, bah voilà, les manifestations en tant que telles, mais aussi la violence, une double violence, hein, celle des manifestants par le moment en colère, mais aussi les violences policières. Alors que les arrêts sur les ronds-points en tant que tels correspondaient aussi à une certaine forme de non-violence. Alors, est-ce qu'on est encore dans une question purement temporelle ? Sans doute pas, puisque je viens de parler de mobilité, d'arrêt, sur des ronds-points, etc. Donc on n'est pas dans une question purement temporelle, mais moi je ne suis pas sûr qu'il y ait des questions purement temporelles. C'est-à-dire que toute question temporelle, bon, à moins d'être à la recherche d'une durée pure, hein, ce que fait Bergson en particulier, mais justement comme une sorte de point mystique qui n'est pas véritablement accessible, hein, tout le reste, c'est en fait un mix de temps et d'espace. Et même ce paramètre T de la physique, hein, un paramètre en lui-même n'a pas de sens s'il n'est pas mis en relation avec d'autres. Et en physique, ce T ne vaut en général que mise en relation avec un D, qui est celui de la distance. C'est-à-dire quand on dit le temps va trop vite, le temps accélère, etc., ça ne veut rien dire en fait, puisque vitesse, accélération exigent un rapport de temps et de distance. S'il n'y a pas de distance, le temps ne peut pas accélérer, ni aller plus lentement, plus vite. Même chose donc pour le ralentissement et la lenteur. C'est-à-dire qu'inévitablement, tous ces termes impliquent une relation à l'espace. Et donc, disons pour nous, alors d'un point de vue individuel, c'est une question corporelle, collective aussi, hein, question corporelle. Et c'est une question aussi, évidemment, d'espace social et politique. Et c'est un petit peu mon idée, c'est que voilà, la question du temps implique celle de l'espace, et que ces moments d'immobilité ou de station, justement, sont des points de convergence, où finalement le fait même de s'arrêter, hein, fait que le temps s'écoule, mais s'écoule justement parce qu'on s'arrête, en raison d'une certaine position spatiale. L'un implique l'autre. Et voilà, et le slogan de ces Gilets jaunes, c'était « on ne bougera pas ». C'était le mot d'ordre politique de cela, de ces gens pris dans cette injonction à la mobilité du quotidien. C'était justement d'en sortir sous la forme du « on ne bougera pas ». Le deuxième événement, bon, bah, c'est bien sûr le confinement. Alors cette fois-ci, ce n'est pas une immobilité choisie, hein, pour des raisons stratégiques et inventives. Ça a été une immobilité contrainte, alors pour tous, pas vraiment pour tous en même temps, hein, puisque certains continuent à être obligés d'aller au travail. Une immobilité contrainte, hein, que pour la plupart d'entre nous, donc, on a expérimenté, avec d'abord le devoir de l'expérimenter et ensuite la question qui naissait de qu'est-ce qu'on va faire ? Qu'est-ce qu'on va faire parce qu'on n'a pas l'habitude ? Et c'est là donc que cette peut-être que l'une des phrases les plus citées, là, on s'est raccroché à un philosophe, même dans les médias, c'était assez étonnant, à une référence philosophique du XVIIe siècle, c'est pas tous les jours, hein, cette phrase de Pascal, « Le plus grand malheur des hommes est de ne pas savoir tenir immobile dans une chambre ». Ce qui est assez étrange, en fait, hein, parce qu'on a l'impression que, du coup, Pascal va nous donner la solution. C'est pas du tout ça, en fait, hein, chez Pascal. Hein, c'est pas du tout qu'il va nous donner une solution, hein, parce qu'il n'y en a pas, en fait. Hein, le plus grand malheur, c'est de rester dans une chambre pour les hommes, mais ce plus grand malheur, il faut le vivre. Il faut le vivre à fond et jusqu'au bout, hein, jusqu'à la mort, c'est-à-dire bien comprendre que notre situation, elle est misérable. Hein, et que la seule solution, elle est après la mort. Donc, elle est dans l'espoir du salut. Donc, l'idée de Pascal, c'est pas du tout qu'il y aurait une solution temporelle à ce malheur-là. C'est bien plutôt que cette solution temporelle, on l'a perdue. On retrouve cette question du sentiment de la perte. Pour Pascal, on a perdu ça, c'est ça le péché originel. Qui est une sorte d'avancée par rapport à l'époque où on pouvait se tenir immobile dans une chambre, ce qui voulait dire qu'on avait un art, justement, ou une technique de l'immobilité, ce qui peut revenir à, dans toutes les civilisations aussi à des techniques de méditation. Mais l'idée de Pascal, c'est que justement, aucun art ne peut faire que la vie sur Terre est supportable, que l'art lui-même est perdu. Et que donc, il faut se reporter à autre chose qui est la foi. Et il n'y a pas d'art de la foi. Il n'y a pas de technique de la foi. Et en plus, ça repose sur la grâce. Donc, il n'y a vraiment aucune solution qui est de l'ordre de l'art. Il n'y a pas d'art de convaincre Dieu de nous donner la grâce, par exemple. Bon. Donc c'est très étrange qu'on se soit raccroché à cette phrase, à la recherche d'un art, pour le coup. Hein, alors que cette phrase partait du principe qu'il n'y en avait pas. Et on a tous, je crois qu'on a tous beaucoup cherché dans des voies qui étaient très différentes et qui étaient là intéressantes à nouveau par leur inventivité, c'est-à-dire face à une immobilité contrainte, on cherche des voies de libération. Et aucune n'est donnée a priori. Et donc ça part dans tous les sens. Alors certains ont fait du yoga, d'autres de la gym, d'autres ont utilisé leur ordinateur, ont continué à travailler, ont fait des visioconférences ou des apéros, etc., etc. Mais forcément, c'est parti dans tous les sens, justement parce que nous n'avons plus d'art de nous tenir immobiles et donc face au temps. Mais on n'a plus d'art, mais on a une technique. Hein, la distinction se fait à la fin du XVIIIe siècle entre art et technique. Mais on a des techniques, et donc, n'ayant pas d'art pour rester immobile, ben on s'est aussi beaucoup précipité sur des techniques. Ce qui ne veut pas dire qu'on avait tort, hein, puisqu'elles sont, elles sont offertes, et que nous avons raison d'en faire usage, mais en sachant en même temps que ce n'était pas la solution, et qu'on s'est vite tous aperçu que ce n'était pas une solution véritable. Donc voilà deux cas de figure, hein, qui nous montrent quoi, en fait. D'une part, face à l'accélération qui elle-même me semble pas du tout un phénomène uniforme, alors au lieu de faire une grande phrase, je vais insister un tout petit peu là-dessus. Bon, alors il y a un phénomène d'accélération, mais il n'est pas uniforme. Parce qu'il y a en fait quantité de gens qui ne sont pas pris dans cette accélération et dont il faut aussi tenir compte. Parce que ce phénomène d'accélération, dans la mesure même où il est technique, il a comme principale conséquence d'augmenter la productivité et donc de diminuer le travail. Hein, ce que dit Hannah Arendt, on est dans une société de travail sans travailleurs. Donc en fait, ce phénomène d'accélération, c'est pas qu'il nous prend tous dans un rythme social qui s'accélère. C'est en quelque sorte la thèse de Rosa, mais je pense qu'elle est... Voilà, le fait de dire que tous les phénomènes d'immobilité sont secondaires, hein, ce qu'il affirme me semble discutable, puisque le premier effet de l'accélération au sens technique du terme, c'est d'augmenter la productivité et donc d'augmenter aussi le nombre de personnes qui sont exclues de ce phénomène d'accélération. C'est-à-dire qui sont au chômage et qui sont aussi quelquefois au chômage parce qu'on juge qu'elles n'ont pas été capables d'accélérer. Bon, Et ça finit par faire beaucoup de monde dont il faut aussi penser la situation. Donc déjà, les rythmes que vivent les gens d'un point de vue social sont très divers. Tout le monde n'est pas dans l'accélération. À la rigueur, tant qu'on y est, on a moins à se plaindre que ceux qui ne le sont plus. C'est une première chose. Alors face à ça, on aurait tendance à dire ce qu'il faudrait, c'est ralentir. Ça, c'est ce que j'appellerais une réaction immédiate. C'est-à-dire que c'est souvent que face à un phénomène donné, quand on commence à le ressentir comme une souffrance, eh ben en fait, on cherche le contraire. Donc face à l'accélération, on va chercher la lenteur. Ça n'aide pas à mieux comprendre le phénomène en question. Ça fait plutôt qu'on l'hypostasie et qu'on en fait une sorte d'obsession. Et puis ça n'aide pas forcément non plus à trouver une solution, parce qu'une solution est rarement l'exact inverse du problème. Sinon, à la rigueur, il n'y aurait plus beaucoup de problèmes. Il suffirait de les inverser, on aurait toujours la solution. Donc c'est ce que j'appellerais une réaction, même une réaction immédiate, et même au sens politique, c'est-à-dire qu'il me semble qu'il y a quelque chose de réactionnaire dans la volonté de ralentir. Et il n'y a pas d'inventivité, je trouve, dans ce concept de lenteur ou de ralentissement. Il n'en a pas non plus si on croit qu'avant, ça allait mieux et qu'on vivait mieux et qu'on avait une vie plus lente. Je crois que c'est faux également. Je crois que c'est... ce matin, ce Vidal disait à juste titre qu'il ne fallait pas faire partir le monde de l'accélération du tournant du XVIIIe siècle. Il le faisait partir de la naissance du capitalisme autour du XVe, XVIe. Je dirais même qu'avant précédait autre chose, hein, parce qu'on peut vraiment parler d'accélération que quand le concept existe en physique, c'est-à-dire à partir de Galilée. Hein, avant, il y a des vitesses, mais il n'y a pas d'accélération. Et donc, avant existait autre chose qui s'appelait l'agitation. Et alors ça a duré pendant toute l'Antiquité, jusqu'au XVIe siècle et au-delà, c'est-à-dire que les concepts ont coexisté, comme on le voit très bien chez Rousseau, par exemple. Et en fait, c'était quoi l'agitation ? C'était le fait que, globalement, on avait l'impression que tout le monde perdait sa vie en perdant son temps dans des choses complètement inessentielles et ne trouvait pas mieux à faire quand il avait un moment de repos, par exemple, quand il était à Rome, de partir dans sa maison de campagne en compagnie, hein, ce qui a donné l'origine du mot campagne, et de faire des allers-retours comme ça. Et donc, il était question de Sénèque hier. Hein, c'est ce que Sénèque dit, en fait, ce qu'il est en train de... Il sert de témoin d'une société qui, déjà, vivait dans un sentiment de stress et de perte de temps permanent. Hein. Et donc, il y a quelque chose qui a précédé l'accélération technique telle que nous la vivons. C'est l'agitation. Donc, il n'y a rien de vraiment nouveau là-dedans. Et donc, la solution ne me semble pas le ralentissement. C'est trop réactif. Trop réactionnaire, et dès qu'on pense la technique, c'est toujours la difficulté, celle que signale Gunther Anders, il faut arriver à critiquer la technique sans la condamner, parce que la condamner, ça voudrait dire revenir avant le progrès technique, et donc c'est forcément réactionnaire. Alors, c'est très difficile à faire, mais disons que moi, la solution provisoire, hein, la proposition, je dirais, c'était d'aller voir plutôt du côté de cette station ou de cette immobilité, parce que ça me semble plus radical. La lenteur, on ne sait pas trop ce que c'est, on ne sait pas trop à quelle allure c'est censé aller. La station, l'immobilisation, au moins, on sait à peu près ce que c'est. Donc, ce qu'on voit aussi à partir de ces deux exemples, c'est qu'il y a des ressources dans l'immobilisation, des ressources qui ne sont plus pour nous d'ordre technique, hein, alors que... dans toutes les civilisations, il y a eu justement des techniques d'immobilisation très précises, hein, dans le yoga, dans toutes les sagesses du monde, y compris les sagesses antiques en Occident. Mais c'est des choses qu'on a perdues. Hein. Alors on peut essayer de les retrouver, hein, on peut faire du yoga, etc. Mais ces solutions déjà sont purement individuelles et elles ne nous donnent pas vraiment c'est pas de l'inventivité, c'est très bien, mais c'est pas de l'inventivité, c'est de très anciennes ressources. Donc, on sent que l'immobilité nous oblige à chercher des ressources nouvelles, à inventer quelque chose, sans qu'on puisse véritablement se reposer sur quelque chose qui nous saurait donner d'emblée, hein, ce qui est un petit peu tout le problème de l'art de vivre aujourd'hui. Hein, c'est un monde est très technique, mais il n'y a pas véritablement d'art de vivre. C'est une forme d'énigme, hein, d'énigme qu'on trouve dans l'école, c'est-à-dire qu'on demande aux enfants de se tenir tranquilles. Mais je ne crois pas que ni vous ni moi, on ait appris à se tenir tranquille. Ça semble aller de soi, ben voilà, t'arrêtes de bouger, tu te mets sur une chaise et tu ne bouges plus. Bon. On sait les problèmes morphologiques que ça pose. Après, on a tous mal au dos, devant notre ordinateur, c'est pareil. Il n'y a pas un seul moment où on a eu un cours de tenue statique. On a eu de la gymnastique, une gymnastique qui, en fait, a pour origine les exercices militaires, hein, qui est né au XIXe siècle comme apprentissage des exercices militaires, avec quelque chose d'extrêmement étrange, c'est qu'à l'armée, on apprend, en fait, à se tenir immobile. Je ne vois pas vraiment ma montre, là. Il me reste combien de temps? On vote? Avec cette chose qui est extrêmement étrange, c'est qu'en fait, dans l'armée, on apprend aussi la technique de l'immobilité. On l'apprend sous la forme du garde-à-vous. Et il y a toute une théorie cinétique du garde-à-vous, parce que c'est ce qui permet à l'armée, en fait, d'avoir la bonne position pour enclencher le mouvement. Et puis, ça a aussi la signification de la disponibilité, peut-être pas au sens dont parlait François-Julien ce matin, parce que c'est la disponibilité à l'ordre. Voilà. Mais au moins on apprend une technique d'immobilisation. Et en fait, dans la gymnastique, on n'en apprend quasiment plus, puisqu'on se dit que voilà, les élèves étant restés immobiles, il faut comme compensation les faire bouger. Donc il n'y a pas un seul moment où on apprend l'art de se tenir immobile, ce qu'il faut toujours faire, puisque là vous y arrivez par exemple. Mais simplement parce que vous avez l'habitude de la contrainte, mais il n'y a pas un seul moment où on vous a vraiment expliqué comment vous tenir assis. Bon. Alors on a perdu ça et on a quelque chose à retrouver. Le but de mon ouvrage, ce n'était pas de déployer les techniques pour les retrouver, c'était plutôt d'insister, comme peut le faire Hélène aussi, sur l'importance de la perte et sur l'énigme devant laquelle elle nous pose, l'énigme qu'elle nous pose. Donc, différentes ressources. Le problème se pose pour l'école, il se pose également pour la prison. On est un pays laïque, il y a extrêmement peu de pays laïques, tous les autres pays ont des religions. Et dans une religion, c'est extrêmement clair ce qu'on peut faire, ce que l'on doit faire de son immobilité, parce que c'est lié à la méditation et à la prière. Donc la repentance pour une faute, on sait ce que c'est, et donc du coup, ce temps d'immobilité, en fait, est un temps de prière. Y compris dans des démocraties, aux États-Unis, c'est un temps de repentance, donc c'est un temps de prière. Ce qui est très énigmatique en France, c'est que, évidemment, la prison, c'est sans doute ce qu'on a trouvé de mieux, hein, la privation de la liberté d'aller et de venir, ce qu'on a trouvé de mieux pour infliger une sanction qui soit véritablement une peine, sans infliger une souffrance supplémentaire, mais qu'en fait, il n'y a rien dans l'idée de république laïque qui nous dirait précisément ce qu'apporte le fait d'être immobile. Il n'y a aucune théorie de la repentance dans un état laïque par définition. Et donc, qu'est-ce qui se passe dans les prisons ? Eh bien, c'est que la plupart du temps, les gens se convertissent. Verlaine, par exemple, s'est converti en prison. Il n'est pas le seul. Pourquoi ? Parce que, en fait, il y a quelque chose à quoi on peut se reporter. Hein, c'est aux lettres de saint Paul qu'il a écrit en prison. Et pour peu qu'on ait une culture chrétienne, eh ben, qu'est-ce qu'on peut faire en prison sinon revenir à la foi au sens de saint Paul? Alors on peut se convertir au christianisme, à l'islam. En tout cas, c'est pour ça qu'il y a tant de conversions en prison, me semble-t-il. C'est qu'il n'y a rien d'un point de vue laïque qui pourrait nous expliquer en quoi le fait d'être privé de mouvement pourrait enclencher un mouvement, enclencher quelque chose. On ne va pas méditer immobile, ni en faisant le poirier, ni les mains jointes sur les valeurs de la République pendant 10 ans. Ce n'est pas possible. Donc, qu'est-ce que devient cette immobilité, sinon une peine sans la part d'amendement qu'elle est censée accompagner ? ce que je pose aussi comme une énigme, non pas parce qu'il faudrait revenir à la foi, mais parce que la question se pose et que tant qu'on n'y a pas répondu, eh bien on continue à emprisonner sans véritablement savoir pourquoi et sans véritable fondement. Donc voilà, c'est ces questions-là que je voulais faire émerger, en disant qu'en fait, dans ces moments d'immobilisation ou de station, ce qu'il y a de positif, c'est qu'il y a de l'inventivité, il y a de la recherche, et on recherche bien mieux que dans ces moments d'agitation ou d'accélération. On peut quand même s'appuyer sur certaines pratiques qui sont positives, qui ne sont pas simplement de l'ordre de la contrainte. Bon, déjà, on a une pratique contrainte qu'on connaît toutes, c'est celle des transports. Parce que dans l'accélération, semble-t-il, il y a le fait d'aller de plus en plus vite. Mais comme aller de plus en plus vite, c'est être immobilisé dans un véhicule, voiture, avion, train, etc., on est dans une situation où on doit faire quelque chose de cette immobilité. Et donc, là aussi, on cherche. On a des techniques. En général, la solution est technique. C'est son portable, mais peut-être que son téléphone portable, mais peut-être qu'il y en aurait d'autres. Mais il me semble aussi qu'il y a des solutions positives dans toutes les formes de manifestations statiques. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose quand même qui a émergé, c'est qu'on sait très bien à quel point le fait de rester sur place et d'occuper un endroit peut avoir une fonction politique. C'est-à-dire, je pense, le remède qu'on peut connaître contre l'accélération ne se trouve pas du côté des solutions individuelles, mais il y a quelque chose qui se passe du point de vue des situations collectives et qui ont fait renaître des choses très anciennes, mais qui les ont aussi extrêmement modernisées. Par exemple, le fait que toutes les manifestations immobiles, sit-in, die-in, etc., des années 60-70, qui continuent jusqu'à aujourd'hui, en fait, ont été aussi une sorte de fusion entre sagesse indienne chez Gandhi, sagesse chrétienne chez Martin Luther King, et toutes ces traditions qui ont reconvergé dans un mouvement qui pour autant n'avait rien de réactionnaire. L'occupation des places, telle qu'il y en a eu quantité, on a connu Nuit Debout, mais il y a eu Occupy Wall Street, il y en a eu une quantité d'autres, on fait émerger le fait que quand une manifestation est statique, en fait, elle a la grande force qu'on ne sait pas quand elle commence, mais on ne sait absolument pas quand elle finit. Et donc, ça crée une sorte d'indétermination qui est extrêmement gênante pour le pouvoir. Parce qu'une manifestation mobile, elle va d'un point à un autre, elle part à 14h, elle arrive à 17h, elle est dissous, et voilà. Et elle ne gêne pas du tout la circulation, ou très peu, parce que comme elle avance, eh bien, la police ferme les boulevards où passe la manifestation, elle sait qu'elle les rouvre 10 minutes après. Donc tous ceux qui sont en voiture attendent 10 minutes que la manifestation passe. D'où, me semble-t-il, l'inefficacité à peu près totale des manifestations mobiles qui vont d'un point à un autre. Une manifestation qui occupe un espace, c'est bien plus gênant parce qu'elle est là, et tant qu'elle occupe cet espace, on ne peut pas faire grand-chose de cet espace, sinon constater qu'il est occupé, et pour une période indéterminée. Donc ça me semble bien plus gênant pour le pouvoir. Et les grèves aussi, les blocages sont de l'ordre de cette résistance statique. Et c'est Walter Benjamin qui fait remarquer que dans la Révolution, les révolutionnaires ont tiré sur les horloges, ils ont arrêté le temps. Et donc, il insiste sur le fait que la grève est un moment d'arrêt et que l'histoire, en fait, le sens de l'histoire se trouve dans ces moments d'arrêt. Et donc, il me semble qu'au moins d'un point de vue politique, là, il y a une forme d'inventivité qui vient qui a ses résurgences régulières et qui fait qu'on peut avoir une attention particulière à ces moments-là, qui sont aussi très proches de l'art. Tous ces moments, une sculpture, une photographie, etc., c'est immobile. Et comme par hasard, dans les manifestations, les performances qui sont de l'ordre de la tenue d'une immobilité, le passage à la politique et au sens de la politique arrive très vite. Je pense par exemple au fait que c'est un homme qui s'est tenu debout devant la place Taksim, devant le ministère de la Culture, et qui était un danseur, hein, qui est resté immobile comme ça, revendiquant, montrant pour protester contre l'absence totale de politique culturelle de la Turquie. Et il a été rejoint par d'autres gens qui, eux aussi, se sont tenus immobiles comme ça, sous la forme d'une protection qui était donc aussi une performance. Et en fait, beaucoup d'artistes qui travaillent comme cela, Carole Douillard, par exemple, qui j'ai travaillé en participant comme ça à ces moments d'immobilité qui ont lieu dans des musées, où on se tient immobile dans un musée, puis les gens passent autour, se demandent ce qu'on fait là, et déjà, on se sent dans une position d'occupation du temps et de l'espace, et de, et de résistance, même si après cette résistance attend toujours son sens. Mais voilà, les énigmes, c'est important aussi. Et voilà, ce sera une conclusion sans conclusion. Je vous remercie. Merci beaucoup, Jérôme, pour cette méditation si fine et si intéressante sur ce qu'on pourrait appeler, pour essayer de mettre un peu d'unité sans abîmer la singularité de chacune de vos contributions, ce qu'on pourrait appeler la suspension. La suspension, c'est quand on ne sait pas quand ça a commencé, quand on ne sait pas quand ça va finir. C'est vrai des occupations, c'est vrai de l'attention que l'on donne aux œuvres d'art. C'est vrai aussi du retard, parce que dans le fond, quand on s'aperçoit qu'on est en retard, eh ben ça y est, ça finit, mais on ne le savait pas quand on y était, et on ne sait pas non plus quand ça a commencé d'être en retard. Je ne sais donc pas si nous sommes en retard, mais je sais qu'il est temps pour les questions. Voilà.